comme des moutons dans les transports pour un papier DECBACC. Café, aide-moi à vivre cette journée-là. Courir à un cours déjà en cours pour son parcours semi-absurde d'étudiant. Suivant lentement un système. Là, c'est quoi ça? Un wagon de pénibilité. Les beautés tournent aux croisées de tous les escaliers. Un espace que m'attend, une mer d'écran, d'effacement des top clients. Le temps de l'enchaînement à l'argent fait un peu avec. Mais n'oublie jamais ton cœur. Fais un peu avec. Mais n'oublie jamais ton cœur. On n'a pas gagné notre vie. Elle nous a été donnée. C'est un cadeau empoisonné. Quand on s'aliène à la société, blasé en bon slacker ou dans le hype, en bon clubber, prendre la place qui est la sienne est la seule chose qui vraiment tienne. Faire un peu avec. Mais n'oublie jamais ton cœur. Jamais ton cœur. Fais un peu avec ta pseudo-prison quotidienne. Un peu avec ton patron stressant comme une hyène. Un peu avec ce que tu ramènes à la maison. Un peu avec la société et l'ambition. Fais un peu avec. Mais n'oublie jamais.